Sous les blocs, une flamme persiste. Chaque pas résonne, chaque rêve insiste. Les murs usés portent mes traces. Chaque silence devient audace. Je suis rider, skill, écho vivant. Chaque mot brille, chaque mot tremblant. La nuit s'efface devant ma voix. Chaque souffle éclair pour toi. Je prends vos doutes, vos douleurs, je les transforme en ferveur. Chaque duet retient ma voix, chaque vibration vous attire à moi. Je suis la flamme qui ne s'éteint pas, l'espoir gravé au fond de toi. Je suis la force qui vous entraîne, la lumière qui coule dans vos veines. I am the light inside your blood. Je prends vos ombres, vos couleurs, je les absorbe en mes ardeurs. Sous la pluie s'ouvre un chemin, chaque souffle éclaire demain. Je garde ma trace, chaque horizon devient audace. Chaque vieux ressent ma vibration, chaque souffle nourrit la passion. Je suis la voix, je suis la foi, la lumière vit au fond de toi. Les cœurs s'élèvent, pleins de ferveur, un chant sacré brûle vos cœurs. La nuit s'efface, l'oxypine, chaque étoile devient divine. Je suis le cri qui traverse le temps, je suis le chant de vos je chante encore. Chaque vibration traverse vos corps. Je suis Rider Skill, je suis la flamme. Le son qui jamais ne s'éteint dans l'âme. Dans vos veines, je laisse ma voix. Je suis la lumière qui vit en toi. Et même quand le jour viendra, mon chant éternel brillera. Rider Skill. Rider's King, Rider's King, Rider's King.